échangeurs d'air avec vous jusqu'à 21h30. Michel Marcoux, oui, c'est moi, au microphone. Et Jean-Philippe Boisbriand, à les doigts, comme d'habitude, sur la console, et a fait un choix musical cette semaine qui est presque tout à fait folk. À condition de considérer que Purcell, c'est du folk. Mais on a découvert que oui. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence. Well, I wish I could think of some cliché to mouth to make our parting seem less sad. But if I told you lies or promised you the moon, the truth would come trickling from my eyes. So run, honey, run and hide in the wind, and never stop to look inside your mind. Well, I wish I could wash all my weeping blues away and watch them disappear on morning tide. But I seek after sword, after sounds of the sea that churn forever round my mind. So run, honey, run and hide in the wind, and never stop to look inside your mind. Like a bat from a cave, the darkness of my ignorance to light. I'd forever live on the echoes of our love and die like some star burning bright. And run, honey, run and hide in the wind, and never stop to look inside your mind. Bottles on the floor and dirty dishes in the sink. Nothing to drink and the sun ain't gonna shine. I left my baby, cause she just wouldn't stop lying. Mm-hmm. saw my baby and she took back all that she said. It don't make no difference now, 'cause I shot them both in bed. Jimmy Joe with the legs and the knees all bandaged up. Came asking for some money and all I had was a buck. Four in the morning and the water is pouring down. Stove don't work and my baby has just left town. I'm watching the cockroach crawling in an old bean can. He says, now when your baby's left you, I bet it's tough to be a man. Yeah, man. Four in the morning and the water is pouring down. Thank you. Voilà comment ça a commencé les échangeurs pour ce soir, avec d'abord John Martin sur son album London Conversation de 1967, Run Honey Run. John Martin, de son vrai nom, Ian David McGeechy, est né à New Malden, ça doit être une banlieue de Londres, puis est mort à Kingston upon Thames. Puis il a joué avec lui aussi toutes sortes de monde. Il a fait une vingtaine d'albums solo, il a travaillé avec Eric Clapton, Phil Collins, etc. C'est ça, on aime ça. Si vous regardez sa carrière, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'est ça, presque trop. J'aurais dû l'avertir avant. Jesse Colin Young, The Soul of a City Boys, c'est un album de 1964. La pièce choisie par Jean-Philippe, c'était Four in the Morning. Et lui, c'est un drôle de cas, je trouve, parce qu'il a changé son nom pour s'appeler Jesse Colin Young. Il s'appelait Perry Miller. Mais il trouvait que c'était pas assez vendeur, alors que moi, je trouve que Perry Miller, ça va bien. Mais lui, il trouvait que c'était pas assez, assez vendeur. Alors, il s'est fait un nom à partir de Jesse James, puis deux autres personnes. Jesse James, Cole Younger, puis un coureur de Formule 1. Colin Chapman. Voilà, c'est comme ça qu'on se trouve un nom pour faire de la musique. Et ensuite, Marianne Faithfull de Rarities Collection de 2015, With You in Mind. Marianne Faithfull, qui a souffert de la COVID aussi, se trouve pas très, très en santé en ce moment. Tous les meilleurs vœux à Marianne, qui est quand même une personne qui faisait Dieu. Dans Absolutely Fabulous, ce qui est quand même un joli rôle. Elle a fait le diable aussi dans un spectacle musical. Alors elle peut osciller entre les deux. Comme sa voix a changé de l'aigu au rauque en vieillissant. Solitude. Now, hard core, yeah. Post the railway fare, it's not been numb. Ça continuait comme ça, avec, vous avez remarqué sans doute qu'on a changé de registre légèrement, pour deux pièces au moins, c'était Deller Consort, avec Alfred Deller évidemment, qui nous faisait, sur un album qui s'appelle Purcell, Au Solitude, Chants and Anthems, de 78, Au Solitude. C'est ça, Alfred Deller, moi, que je l'ai connu, comme beaucoup d'autres, en même temps, pour ses interprétations de Purcell. Puis, c'est un peu surprenant. C'est quand même un type qui a fait beaucoup de choses aussi. Chanteur et musicologue aussi. Alors, c'est probablement ce qui l'a amené à s'intéresser à Purcell. Il s'est rendu compte qu'en perdant sa voix de soprano quand il était enfant, sa voix a pris une drôle de tournure. Puis il a décidé de devenir contre-ténor, comme ça, avec une façon de chanter tout à lui. C'est ça, si on parle de Purcell, c'est drôle parce qu'il a aussi écrit pour la basse profonde, ce qui est quand même une bonne idée. Shirley Collins, ensuite, nous faisait The Sweet Primroses de 1963, Down in Yon Forest avec Dolly Collins. Et nous avons terminé avec Ye Vagabonds, The Heir's Lament, d'un album de 2019. La pièce s'appelle Da Mbing Mbo Badoer, ou quelque chose du genre. Je ne peux pas vous en dire plus pour ça, sauf que ce sont des Irlandais qui sont un peu dans la nouvelle vague du folk irlandais. This is the valley where cotton is king. See how hunger eats at the faces, the ragged claws to the flesh does cling. Dust in the lungs and the bodies to withstand. This is the valley where cotton is king. Sleep is a wash from the broken faces. Morning clogs on the cobbles ring. Off that mill the weavers are in. This is the valley where cotton is king. Where cold day to the loom's hard rhythm. Scrabble and toil till your tired bones sing. Then you crawl back home as the gaslight flickers. This is the valley where cotton is king. And this is the land where the children labor, where life and death mean the selfsame thing. Where the many wasn't worked that the few might prosper. This is the valley where cotton is king. Oh, the January man, he walks the road in woolen coats and boots of leather. And the February man still shakes the snow from off his head and blows his hands. The man of March, he sees the spring and wonders what the year will bring, and hopes for better weather. Through April rain, the man goes down to watch the birds come in to share the summer. And the man of May stands very still, watching the children dance away the day. In June, the man inside the man is young and longs to lend a hand, and smiles at each newcomer. Then in July, the man in cotton shirt, he sits and thinks of being idle. And the August man in thousands takes the road to find the sea and watch the sun. September man is standing here to saddle up and leave the year, and autumn is his bridal. Then the man of new October takes the reins, and early frost is on his shoulders. And the poor November man sees fire and mist and wind and rain and winter air. December's man looks through the snow to let 11 brothers know they're all a little older. Then the January man comes round again in woolen coat and boots of leather, to take another turn and walk along the icy road he knows so well. The January man is here for starting each and every year along the road forever. Jacobites, my name, lend an ear, lend an ear. Ye Jacobites, my name, lend an ear. Ye Jacobites, my name, ye false I will proclaim. Ye doctrines I mun blame, you shall hear. Ye doctrines I mun blame, you shall hear. What's right and what is wrong? By the law, by the law. What's right and what is wrong? By the law. What's right and what is wrong? A short sword and a long, a weak arm and a strong. For to draw, a weak arm and a strong. For to draw. Shall hear, you shall hear. twin diamond flame you shall hear. What makes heroic strife? Fame afar, fame afar. What makes heroic strife? Fame afar. What makes heroic strife? To whet the assassin's knife, a hunt a parent's life with bloody war, bloody war. A hunt a parent's life with bloody war. He Jacobites my name, lend an ear, lend an ear. He Jacobites my name, lend an ear. He Jacobites my name, your faults I will proclaim, your doctrine diamond flame you shall hear, your doctrine diamond flame you shall hear. Leave your schemes alone in the state, in the state. Then leave your schemes alone in the state. Then leave your schemes alone at all rising sun, and leave a man alone to his fate, to his fate. And leave a man alone to his fate. Ye Jacobites by name, lend an ear. Des échangeurs d'air, toujours avec vous jusqu'à 21h30. Qu'est-ce qu'on a eu dans le dernier bloc? Brian Dewhurst nous faisait Bits and Pieces of Brian Dewhurst, une compilation de 1974, la pièce King Cotton. Brian Dewhurst, voilà, revient ici, qui s'appelle aussi Brian Preston. En fait, il a changé son nom à un moment donné en faisant de la télé, puis il devait y avoir un autre Brian Dewhurst. Alors, il a décidé de changer son nom. Il a beaucoup été aspiré par la vague du folk revival des milieux des années 60 ou même au début des années 60, une vague anglaise très forte. Puis, il a travaillé, donc, il a été dans le groupe des Wayfarers avec, comment il s'appelait? Il a été aussi avec Ron Flanagan, oui. Dans un groupe qui s'appelait Orden Reichs, qu'on a eu par la suite d'ailleurs. Alors, Brian Dewhurst, pas une tonne d'informations sur lui, mais assez pour vous en parler un peu. Ensuite, Paul and Glenn. Là, si on cherche un truc, Paul and Glenn, un album de 1972, de la pièce January Man, il arrive parfois que Paul and Glenn, ça ressemble beaucoup à Glenn Paul, Paul Glenn aussi. Alors, lorsqu'on cherche des informations sur eux, comme ils n'ont pas été si connus que ça, et qu'en plus, il y a un film qui s'appelle January Man, qui était le nom de la pièce, ben là, on trouve rien. Rien, pratiquement. Mais on a une photo. Alors, si vous faites Paul and Glenn, vous allez pouvoir voir une photo. Ce qui est quand même intéressant. Puis on a eu aussi Orden Reichs sur l'album Orden Reichs de 1972. Pardon. Yeah, Jacobus by Name. Donc, on s'est retrouvé avec nos deux compères dont je vous parlais tout à l'heure. Ron Flanagan et Brian Dewhurst. Et assez étrangement, ces deux-là, bon, ont fait plein de choses ensemble pendant un certain temps, et à un moment donné, ils ont décidé de mourir, tous les deux, à une semaine d'intervalle. Oh yeah, what I say. Look around, you find the ground is not so far from where you are. Don't be too wise. For down below they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people there who live on the throne. If you see what's meant to be, don't name the day or try to say it happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day is done. If only you see. Just what you are beneath a star that came to say one rainy day in autumn for free. Yes, be what you be. They'll only smile to see you while your time waits. And once you've seen what they have been to, when the earth just won't seem worth the night or your day. Oh yeah, what I say. Open up a broken cup, let goodly sin sunshine in. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide, you find renown where people from things that you say. Say what you say about the farmers and the father and the things behind the sun and the people. Everything's been said. The movement in your brain sends you out into the rain. Have gone dim and the people are gone, and Clown goes back into his caravan, hangs up his smile on a hook by the door, and lets his ragged coat slip to the floor. With the sound of the children's laughter still ringing in his ears, laughing 'cause they're happy, they laugh to hide their fears. Clown loves the children, for like him they feel the world does not exist tonight, and only the circus. Only the circus is real as the elephants that trumpet in the ring, real like the trapeziid swing, real like the man who eats real fire, real like the lady on the high wire. Love. But the people are gone, his identity gone. Clown peeps through the windows of his caravan. From the trees on the common, the town looks so small. Clown puts on his coat, goes out the door. And the distant neon lights, they shine above the town. Looks almost like a circus, thinks clown. And half with fear, and half with delight, shivering, shaking, clown stands laughing. Clown stands laughing. Clown is laughing at the night. I'm losing will. My hands are soft as cotton gloves. Machine has eaten up my job. My meaning, my cause. Machine with the strength of 100 men. Can't feed and clothe my children. Can't greet a sailor coming in, or know of desperation. I shovel coal down Spencer's dock. I tuck a deer into wedlock. A beautiful flower. River rocked the machine down on the docks. River rocked the machine until it stops. Oh lonely fish, show me go. River rock the machine until it dies. Today, dear, I am unemployed. Before I spoke, you read my eyes. I feared of nothing or no one. But I feel old and I'm so young. I miss the graft, I miss the boys. I plead for purpose in the void. Time is in a word ticking tighter. I wish my Lord was a mountain lighter. I shovel coal down Spencer's dock. I tuck a deer into wedlock. You did a bear us a beautiful flock. river rock the machine down on the docks. River rock the machine until it stops. Oh Lord, lift me, show me gold. Like every I will go. River rock the machine until it dies. River rock the machine down on the docks. River rock the machine until it stops. Oui, alors nous avons continué avec Nick Drake, l'album Pink Moon de 1972, la pièce Things Behind the Sun. Un destin assez tragique que celui de Drake, qui a fait probablement une psychose à un moment donné due à plusieurs choses, dont une consommation extrêmement excessive de cannabis, possiblement. Puis ensuite, il est resté très dépressif, comme ça, ce qui ne l'a pas empêché de faire de très jolies choses. Pink Moon, entre autres, qui est peut-être l'album qui lui ressemble le plus. Mais il a toujours été par la suite assez, assez étrange dans ses comportements, effectivement, et jusqu'à sa mort, on dit qu'il demeure un petit peu mystérieuse, mais on ne sait pas s'il s'est suicidé ou s'il a consommé un peu accidentellement trop de médicaments. Voilà. Ralph McTell, ce Ralph McTell, My Side of Your Window de 1969, la pièce Clown, lui, c'est drôle parce qu'il est connu, il a écrit une pièce, oui, qui s'appelle Streets of London. Et parfois, les artistes ont la chance d'avoir des pièces reprises par des groupes punk, Anti-Nowhere League, Harry Belafonte aussi, Sinéad O'Connor, et de Sex Pistols, Roger Whittaker. C'est vraiment drôle de truc d'avoir, pour quelqu'un comme ça, avoir des pièces qui se sont retrouvées jouées par des gens légèrement différents. On sait que les Sex Pistols ressemblent peu à Harry Belafonte. Ben, du moins, pas tout le temps à Harry Belafonte. Et nous avons terminé avec Lisa O'Neill qui nous faisait Rock the Machine sur Heard a Long Gone Song de 2018. Une dame qui se produit depuis l'an 2000, à peu près. Oui, voilà. Et qui s'est promenée, entre autres, en tournée canadienne et américaine en première partie de David Gray. Guns and go hunting. like blackbirds and thrushes. Oh, young men sing like blackbirds and thrushes. How soon the young girls would go shaking the bushes. How soon the young girls would go shaking the bushes. For you young men were like bears on the mountain. All you young men were like hares on the mountain. How soon the young girls would grab guns and go hunting. How soon the young girls would grab guns and go hunting. On the water. All you young girls were like ducks on the water. How soon the young men would turn Drake and drive under. How soon the young men would turn Drake and drive under. All you young men were like bears on the mountain. All you young men were like hares on the mountain. How soon the young girls would. Thank you. Oui, les échangeurs d'air, toujours avec vous jusqu'à 21h30, ce qui nous laisse un petit bloc à entendre après celui qu'on vient d'entendre tout juste, qui commençait par All Them Witches sur l'album Lost and Found de 2018, Airs on the Mountain. Et eux, ce sont nos voilà, si on revient ici, ce sont des gens qui viennent de où? Ils viennent de où? Nashville, Tennessee. Et ils font, effectivement, il y a eu beaucoup d'influences musicales dans ce qu'ils font. Blues rock, hard rock, stoner rock. Il y a un son psychédélique un peu. Mais folk. Mais folk. C'est ça, tout ça. Tout ça en faisant du folk. C'est ça. Alors, ils sont présents depuis 2012. On en avait déjà mis, me semble, si ma mémoire est bonne. Puis, c'est ça. Leur style, les influences, c'est ça. On dit, ben, c'est ça, le psychédélique, le blues, le folk. Ils sont influencés par le vieux Pink Floyd, le très vieux Pink Floyd. Il y a des gens qui disaient qu'ils étaient influencés par Black Sabbath, mais ils trouvaient ça drôle parce qu'aucun membre du groupe n'écoute du Black Sabbath. Ça ressemble à ici. À moins que tu écoutes du Black Sabbath en cachette, Jean-Philippe? Oui, Jean-Philippe écoute du Black Sabbath en cachette. Lancôme nous faisait sur l'album Between the Earth and Sky de 2017 la pièce What Will We Do When We Have No Money? C'est une excellente question qui se pose et ça nous a permis d'entendre la très belle voix de Ruddy Pete, puis cette chanson-là doit pas être facile à chanter, effectivement. Il y a des espèces de sauts de tonalité qui sont pas, qui semblent pas tout à fait naturels. Puis ce sont des gens qui viennent de Dublin. Et ça paraît qu'ils sont irlandais. Mais il y a un côté drone un peu ou quelque chose derrière leur musique. On parle d'eux comme des Younger, Darker Pogues. C'est ça, là, des pogues plus jeunes puis plus sombres aussi. C'est vrai que les espèces de d'harmonie sont très, très sombres. Et on aime ça. On peut dire qu'on trouve ça très, très chouette. On va en remettre. Eux, ils s'appelaient Lynch. À un moment donné, vous avez peut-être entendu déjà ce nom-là. Ils ont décidé d'abandonner ce nom parce que ça faisait référence à des événements qui sont un peu trop troublants pour qu'on utilise ce nom-là, effectivement. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour terminer? Ah, The Stooges et Virgin Prunes. Et c'est comme ça que ça se termine pour les échangeurs d'air cette semaine avec The Stooges qui nous faisait We Will Fall. Puis c'est assez intéressant de lorsqu'on parle du style musical entre le punk, dont sont l'un des groupes instigateurs, et le garage rock. Voilà. Puis on parle d'une lignée spécifique. En fait, ils ont réussi à être pré-punk et post-punk sans jamais avoir été punk. C'est quand même pas mal. Alors, pour vous dire, donc, le post-punk, c'est tout ce qui suit le punk, et le pré-punk, c'est avant. Voilà. Ce qui définit facilement à peu près toutes les musiques du monde. C'était notre conclusion là-dessus. Virgin Prunes nous faisait « If I die, I die », ce qui est une conclusion logique, de 82. Et la pièce s'appelle « Ulan Kanakulot », avec du Decline and Fall aussi. Virgin Prunes, ils ont commencé, eux, en 78, ils ont fini en 86. On parle de quoi? Ils ont été post-punk, eux aussi, oui. Ils ont fait du rock gothique, du rock. Alors, c'est tout pour nous. On revient la semaine prochaine.